Dans Parallèlement, impression fausse. Dame souris trotte, noire dans le gris du soir, dame souris trotte, grise dans le noir. On sonne la cloche, dormez les bons prisonniers. On sonne la cloche, faut que vous dormiez. Pas de mauvais rêves, ne pensez qu'à vos amours. Pas de mauvais rêves, les belles toujours. Le grand clair de lune, on ronfle ferme à côté, le grand clair de lune en réalité. Un nuage passe, il fait noir comme un four. Un nuage passe, tiens, le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout paresseux.